foncer droit, sans avoir lu le panneau risque. Défoncé, je bois, fume sous des allures de camoriste. De la camobiste, de disque, je ferai tout de travers. Trop d'outrage envers le ciel, inverse de doute, je traverse l'adolescence à l'envers. À 12, on vole des fiestas. 20 piges, on gobe des extas. On rap, on joue les gangsta. La madre est sous des mestas. Le padre, je l'intéresse pas. Je gratte quelques bouts de vie. On me dit que je rappe bien, mais je rêve hop. Et je me bousille, y'a de la zeb, des LSD. Des soirées sur les champs, gros. De la chienne, des MST. Ça, les vulgaires, putain, le milieu m'a déçu. Ça aurait pu le faire, mais je veux pas de cesse une marcher dessus. Je tourne en caisse la nuit, mélodie tritale. Ça me peine, j'appuie, je peux foutre en jeu le pronostic vital. C'est que de la musique, dommage j'arrête. Tu crois qu'à l'usine, frère, je peux leur vendre combien de paraît, hein? Et j'avoue, j'ai pas de refrain à la taille de ma rage. Nique sa race, le marasme fait barrage. Plus envie de chanter, non. Le cœur en chantier. Je me nique la santé, désenchanté. Et j'avoue, j'ai pas de refrain à la taille de ma rage. Nique sa race. Plus envie de chanter, le cœur en chantier. Je me nique la santé, désenchanté. J'ai foncé droit, sans avoir vu le panneau en risque. Défoncé, je bois frère, je fume jusqu'à mourir. Je l'ai appris de fil en aiguille, l'histoire bien plus qu'anodine. D'une bande de gosses que le pilon détruit. On se brûle les calories à rêver. 10 ans que je m'épuise, arrêtez de croire une fois pour toutes qu'on passe nos vies à traîner. On se valorise comme on peut, 13 piges, déjà se passe mon fil. À 16 dans la merde, je m'y enfonçais de la carotide à mes pieds. Sans biceps, je fuyais, rêve pris dans cette fumée. Une fin de loup et je n'ai que trouvé des calomnies à becter. J'ai fait le tour de France, et filet écumé fragile. J'ai dû crever pour honnête ce fameux 17 juillet. Le cœur en chantier, plus envie de penser qu'on me laisse crier. 30 piges, j'ai plus envie d'être muet, frère. Peur de m'enfoncer, plus envie de chanter. Je me nique la santé, désenchanté, hein. Et j'avoue, j'ai pas de refrain à la taille de ma rage. Nique sa race, le marasme fait barrage. Plus envie de chanter, non. Le cœur en chantier. Je me nique la santé, désenchanté. Et j'avoue, j'ai pas de refrain à la taille de ma rage. Nique sa race. Plus envie de chanter, le cœur en chantier. Je me nique la santé, désenchanté. Je me suis levé avec un moral de merde, je suis parti bosser avec un moral de merde.